الخروج على الحاكم هل يجيزونه أو هل يجيزه أهل السنة؟ ما يجيزونه؟ يختلف العلماء. اختلف العلماء. طيب أحسنت يا عيسى، اختلف العلماء في مسألة الخروج، هل يجوز أم لا يجوز؟ من قال أنه اختلف العلماء؟ أنت؟ من قال أنه اختلف العلماء؟ الإمام مقبل الوادعي، نعم، فقال منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، تمام؟ هذا منه يدل على أن المسألة خلافية، وهذا ردا لمن يقول أن اتفق أهل السنة على عدم الخروج على عدم الخروج على الحاكم كما قيل من قول ابن حجر الحافظ ابن حجر، نعم. والخروج على الحاكم له شروط. كان كفر واضح. أن نرى منه كفرا واضحا من الله فيه برهان. Qui est quelqu'un qu'on est déjà un remplaçant mieux que lui. أن يوجد البديل. نعم. On soit préservé de faire couler le sang des musulmans. نعم. وهذا يدخل تحت القدرة. أن يكون لدينا القدرة على ذلك. نعم. نعم أحسنت يا عبد الله. طيب بقي، هل إذا قلنا في شخص ما ليس فيه من الكفر أو المعاصي أو شيء من ذلك يرجع إلينا؟ يا أبا زكريا، est-ce que lorsque tu as dit à une personne que c'est un kafir et qu'il ne mérite pas cela, est-ce que cela revient sur toi? Non. نعم نعم لحديث أبي ذر وقد أولوه بعدة تأويلات. Les savants ils ont expliqué de plusieurs explications. لكن الذي يفيد الحديث هو هو. طيب ثم بعدين أخذنا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. وهناك تفصيل في مسألة البغض، ما هو يا حمزة؟ يعني هنا il faut détailler la مسألة qui concerne le fait de détester une chose avec laquelle le prophète sallam est venu. Et on a détaillé, et on a divisé la masala en deux. Il y avait en deux déjà. Il y a le fait de qu'on le déteste naturellement. Aïe, naam. Fahad un kufr? Non. Hada laysa bi kufr. Bal la shay alayh. Amma idha kunna nubghid asl al-shay wa huwa al-amr yani amr Allah, fahad un kufr. بلا خلاف. طيب قلنا الناقد أو قال الإمام، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الناقد السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. celui qui se moque d'une chose parmi la religion du prophète alayhi salatu wassalam, ou parmi la récompense d'Allah azza wa jal, ou son châtiment, il est certes devenu mécréant. Ijma'an. Naam. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال فائدة: ما السبب في كفر من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله؟ Ça, je vous poserai la question souvent. C'est quoi la cause? Pourquoi on rend mécréant une personne qui s'est simplement moqué d'une chose de la religion? Il avait lui, c'est-à-dire, il rigole, c'est tout. C'est une plaisanterie qu'il fait. C'est pas, il parle d'une manière véridique ou d'une manière sincère. Juste, il veut s'amuser. قال العلامة السعدي السعدي عليه رحمة الله في تفسير الآية فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن الأصل أو لأن أصل الدين مبني على التعظيم على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. Pourquoi c'est du kufr, le fait de se moquer de la religion d'Allah Azza wa Jal? Parce que cette religion, elle est basée, la base de cette religion, c'est basé sur quoi? Sur le ta'zim d'Allah Azza wa Jal. Sur le fait de, yani, comment tu pourrais traduire ta'zim Allah? D'honorer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la base. N'importe qui rentre dans cette religion, qui a accepté cette religion, il sait que les limites d'Allah Azza wa Jal sont à prendre avec ihtiram, avec honneur au chef. Donc, le fait de se moquer d'une chose faisant partie de la religion, ça implique le fait de contredire ce as. Non. قال والإجماع على كفر من استهزأ بالله أو بدينه. قال الإمام أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا وهو كيفما كان كفر. يعني peu importe que tu le dises avec sincérité ou que tu le dises en rigolant, que tu le dises avec véracité ou avec sérieux, ou que tu le dises avec plaisanterie, si toutefois c'est une moquerie envers la religion, فَكَيْفَ مَا كَانَ كُفْرٌ. Peu importe comment c'est de la mécréance. فَإِنَّ الْهَزَلَ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ. La plaisanterie avec de la mécréance, la plaisanterie qui contient de la mécréance, c'est quoi? C'est de la mécréance. Hada kalam jamil. Fa inna al-hazala bil kufr kufr. La khulf fihi bayna al-umma. La khulf fihi ay la khilaf fihi bayna al-umma. Yani hada c'est ça qui nous intéresse de la parole d'Ibn al-Arabi, c'est l'ijma'. C'est-à-dire que lui, il vient et t'apporte qu'il y a l'unanimité des savants sur le fait que celui qui se moque de la religion ou une chose de la religion d'Allah Azza wa Jal est certes devenu mécréant. فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَخُو الْحَقْ وَالْعِلْمِ وَالْهَزَلْ أَخُو الْبَاطِلْ وَالْجَهَلْ. Le fait de تحقيق, c'est rechercher la vérité. C'est le frère de la vérité et de la science. Mais la plaisanterie, c'est le frère du batil et de l'ignorance. Kalam jamil. طيب على كل حال فهو هذا نقل الاجماع في هذه المساله. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن عبد الوهاب عليهم رحمه الله عند باب من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن والرسول. فسم باب كي دون كتاب توحيد. سم باب كي دون كتاب توحيد. قال أي إنه يغفر بذلك لاستخفافه بجانب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. Donc là aussi c'est une autre personne qui rapporte l'ijma' sur le fait que c'est interdit de de la religion d'Allah Azza wa Jalla. qui fait la donne? Après la donne on termine le naqid. Alaykoum salam wa rahmatoullahi. الله أكبر. طيب مسألة، هل الاستهزاء بالعلماء وحملة الدين من ذلك؟ Est-ce que le fait de se moquer des savants et de ceux qui portent la religion, soit dans leur apparence, soit dans leur discours, est-ce que le fait de se moquer d'eux rentre dans ce naqid? يا أبا زكريا، في تفصيل إيش التفصيل الذي عندك؟ بس ده من تفصيل de qu'est-ce qui se moque, si se moque de la personne en elle-même ou si se moque de la personne par rapport à des choses de l'islam qu'a suivi. جميل. انظروا العلم كيف. يعني نعم هذا هو الكلام الصحيح. قال بعض العلماء والاستهزاء بالله وبرسوله أو بالقرآن كفر أكبر بلا خلاف بين العلماء، ولهذه الآية. وأما الاستهزاء بالعلماء أو القراء فقد ذكر العلماء أنه إن استهزأ به بسبب ما يحمله من القرآن والسنة فهو كفر أكبر. S'il se moque de la personne en fonction de ce qu'il possède comme Coran et comme sunna, par exemple, il se moque de lui parce que c'est quelqu'un et il applique la sunna. C'est tout le léger. Arafat, c'est un kufr. D'accord. Il sort de la milla. Parce qu'il se moque de la sunna. Oui, oui. Après certains temps, tu vois quelqu'un qui fait sa tawba jusqu'à la moitié du sac. وللأسف الشديد بعض الإخوة قد يضحكون عليه، إيش هذا القميص، إيش كذا، عرفت؟ Si toutefois il vise la sunna فقد يكفرون. Et si toutefois c'est juste parce que يعني la personne elle a vraiment élevé son قميص un peu trop haut et la personne elle voit que ça c'est pas la sunna فلا بأس. Parce qu'il y a des frères aussi, ils ont mal compris le hadith nisf al-saq. Al-saq عند العرب هذا هو الساق. نصفه ماذا يقول؟ تحت ال en dessous du mollet. عرفت؟ En français ils ont traduit mi-mollet. Voilà, mi-mollet, ou là ils ont dit le genou, je sais pas quoi. Ça veut dire tu vas voir les gens, ils mettent leur camise jusqu'au genou. وهذا ما هو من السنة. Le khamis jusqu'au genou, et si tu fais le rukou, tu vas voir qu'il va monter au-dessus des genoux. C'est-à-dire, si tu n'as rien au-dessus de khamis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de cette rage. Il n'y a plus de cette rage. Il y a un khamis jusqu'au genou. Il n'y a pas de nabi sallallahu alayhi wa sallam, min kalamihi nisf al-saq. نصف الساق إلى هنا أو لا بأس أن تلبس الثوب إلى ما فوق الكعبين. نعم. طيب قال وإن استهزأ به لشخصيته من طوله أو قصره أو لونه لا بسبب ما يحمله من القرآن والسنة فهذا ليس بكفر ولكنه فسق وظلم وضلال. C'est une parole de Mohamed ibn Hizam dans son tahqiq qu'il a fait de Fath al-Majid. تمام وبهذا انتهينا من الناقد الكم سادس سادس اي j'ai rajouté par rapport à ça, je peux rajouter la prise de compagnon qui est parti prendre un siwak dans l'arbre. Eh, n'aim, jamil. ومن من كان هذا الصحابي الذي ضحك من دقة ساقيه؟ ابن عباس بن مسعود ابن مسعود ابن مسعود نعم. فماذا فهذا من الصحابة كانت ضحكا لا على أنه يحمل من السنة ما يحمل لكن لشيء في شخصيته. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ساقيه يعني ساقيه عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. Ces deux jambes là que vous voyez maigres, elles sont plus lourdes sur la balance que Jabal Uhud. Il n'y a pas une condition comme quoi, pour qu'elle sorte de l'islam, il faut que la personne qui se moque de la chose, elle sache que ça soit une chose qui fasse partie de la sunna. أكيد أنه لا بد من العلم لكن قوله كونه يستهزئ بشيء حتى وإن كان يجهله فهذا كفر كلامه كفر لكن هل الكفر يقع عليه هذا على حسب ما حصل له من العلم. طيب عندنا سؤال عندك يا أخنا أحمد on a une question là pour ça. Quels sont les mérites de... Ou si tu peux nous dire un mérite concernant la Umrah. Un mérite de la Umrah. Un mérite, c'est-à-dire que c'est une récompense. Ouais. Est-ce que tu connais une récompense de la Umrah? Qui c'est qui peut l'aider là? Qui c'est qui peut venir en Ta'aziz? L'effacement des péchés. L'effacement des péchés. Au cas d'Aleka, l'enrichissement. Le prophète Zélab, il dit Al-Umra. Al-Hajj ou Al-Umra, yanfiyan il-faqr, kama yanfiyan il-kir, khabith al-hadid, ou al-dhahab ou al-fidda. Tabi'u bain al-Hajj ou Al-Umra, c'est ça le début du hadith. Faites suivre une Umra par une autre Umra ou un Hajj par un autre Hajj. Car ces deux œuvres, elles effacent les péchés et elles éloignent ou elles anéantissent la pauvreté. Donc celui qui fait une umrah, de la umrah qu'il a fait jusqu'à la future umrah qu'Allah lui accorde, la yazal fi numu. Il est toujours dans un enrichissement. Allah il lui facilite dans le risque. Il lui facilite. Et le risque, c'est vaste. Le risque, c'est vaste. Ça peut être dans les enfants. Ça peut être dans les biens matériels. L'ilm, كذلك, ou كذلك في الصحة, la santé. Et il lui pardonne ses péchés. تابعوا بين الحج والعمرة. Donc ça, c'est deux œuvres. عظيم, c'est celui qui a la possibilité de faire, qu'il les fasse sans attendre d'atteindre un âge avancé. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.